sous la forme d'un animal qui est relié à nous par un cordon. Ne manquez pas la chronique littérature jeunesse de Vicky Sansfaçon, présentée par la librairie Pantoute aux Matins éphémères. Je crée une œuvre où les deux faces sont peintes. L'œuvre est faite pour être vue seulement d'un côté. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ouvertures dans la couche picturale principale et on voit l'envers d'une peinture qui est peinte de l'autre côté. À découvrir sur la Fabrique culturelle. C'est un peu la nouvelle peinture figurative, si on pourrait dire. Je dirais qu'il y a un retour actuellement vers ce savoir-faire-là, plus académique au niveau de la technique, mais un désir de parler de notre époque. Rosalie Gamache, artiste peintre. L'amour de la peinture à l'huile. Chez mes modèles, ben moi, je vois une grande beauté, là. C'est cette beauté-là que j'ai envie de mettre dans mes tableaux. C'est cette liberté-là de pouvoir s'identifier à ce qu'on veut, de pouvoir être la personne qu'on est. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique entièrement consacré à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Jean-Tiens de la France qui est avec vous pour une émission tout en entrevue. Donc, on a le privilège de rencontrer des artistes ici à la radio. C'est toujours un plaisir. Et on va commencer par avoir le plaisir de recevoir Jean-Pierre Morin. Jean-Pierre Morin qui présente actuellement son exposition « Cône et couronne » à la Galerie 3. Donc, comme je disais, Jean-Pierre Morin, c'est une nouvelle recrue, si on peut dire, à la Galerie 3. Donc, ils ont débuté leur collaboration l'an dernier. Donc, c'est sa première exposition en solo au sein de la galerie. Ensuite, on va recevoir Étienne Gabriel Rousseau, un tout jeune artiste qui est actuellement à la maîtrise en arts visuels à l'Université Laval. Il présente le corpus orangé bleuté à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Et on va le recevoir en deuxième partie d'émission. Et ça va être suivi d'une entrevue avec Julie Bouffard. Julie Bouffard qu'on a déjà reçue ici à l'émission. On va avoir l'occasion de parler de son projet Plongée sans faire de vagues, un projet qu'elle avait présenté sous une autre forme l'an dernier à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et cette fois-ci, il se déploie dans la galerie de l'espace Parenthèse au cégep de Sainte-Foy. L'artiste s'amuse beaucoup avec la mise en espace et on va avoir l'occasion de lui en parler en toute fin d'émission. Mais pour l'instant, on va prendre une petite pause musicale avec un extrait de la pièce Bordée Tunage. Donc, c'est une pièce de Zouz, qui est un groupe, je vais vous lire leur description. Mu par la nécessité de brouiller les pistes dans du bruit qui pense, Zouz se submerge de dévolu à recracher et ériger ses propres statues entre rocs abrupts et disproportionnés, formes prog tordues et murs jaillissants de fosses. Donc on écoute le premier extrait. « Alors, de retour au micro, à l'aérospatiale, en studio avec nous, Jean-Pierre Morin. Bonsoir. Oui, bonjour. Jean-Pierre Morin, tu présentes un tout nouveau corpus à la Galerie 3. Oui. Une exposition qui s'appelle « Cônes et couronnes ». Donc, c'est des sculptures aux formes coniques et aux formes de couronnes. Oui, exactement. Donc, on est vraiment dans le titre littéral. Et dans le communiqué de presse, dans l'énoncé de l'exposition, on parle d'un protocole déterminé. Le processus est important dans ton travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la méthodologie que tu as utilisée pour réaliser les œuvres que tu présentes à la Galerie 3? En fait, il s'agit de cubes et de carrés qui sont découpés dans... Les carrés sont découpés dans du profilé et les cubes, eux, ce sont des tiges pleines. Ce sont des tiges de 3/4 pouce par 3/4 pouce et j'ai fait des cubes avec ces tiges-là, c'est-à-dire que je les ai sciées à tous les 3/4 pouce. J'ai dû il y a plusieurs milliers de cubes qui ont été faits. Et la façon dont je procède, c'est que, contrairement à mes deux, trois expositions précédentes où je travaillais avec des carrés en aluminium que je fixais sur des matrices en bois. Mm-hmm. C'est-à-dire que je devais faire la sculpture une première fois en bois et ensuite la recouvrir de ces carrés de métal-là. Donc, ça se passait à ce moment-là à l'extérieur de la matrice? Ça se passait à l'extérieur et c'était soudé de l'extérieur. Mm-hmm. Et là, on a inversé le processus. Oui, là, c'est le contraire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué fabriquer des matrices, des matrices ou des gabarits qui sont un tiers de cône. Et ça me permet, c'était la façon que j'ai trouvée pour arriver à faire les pièces qui sont à la galerie. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que dans ce cas-ci, les soudures sont toutes faites à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, à l'extérieur, on voit que les cubes et avec la profondeur, c'est-à-dire avec les champs des cubes ou des carrés, ce qui m'a permis de faire des sculptures qui sont peut-être beaucoup plus précises, concises, où on voit les arêtes de façon nette. Et, donc, il y a moins de bruit dans la perception des formes qui composent le oui, tout. Oui, exactement. Et ça, ce protocole-là, en fait, c'est le même protocole que je fais depuis plusieurs années, c'est-à-dire que je dispose les cubes de façon à ce qu'il n'y en ait pas... De façon à ce qu'il n'y ait pas de parallèles, de cubes qui sont parallèles les uns aux autres ou perpendiculaires. Et ils sont tous les cubes sont placés de façon à ce qu'il n'y ait pas de parallèles. Donc, ça va créer une espèce d'effet un peu miroitant, comme la surface de l'eau, parce que c'est un chaos qui est organisé, mais quelque chose de très chaotique aussi dans la disposition des cubes. Oui, absolument. C'était le but, l'objectif recherché, c'était de créer du désordre. Mm-hmm. Et ça fonctionne bien, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est de constater, c'est qu'il y a, c'est que tous ces cubes-là ou les carrés forment des réseaux. C'est que notre œil fixe un point sur la sculpture et là, on se déplace en suivant... un petit peu comme si on suivait des sentiers, puis on voit apparaître toutes sortes de réseaux. Parfois, ça va être des formes qui vont être circulaires ou des lignes plutôt courbes, mais... Oui, il y a quelque chose de très organique qui est dominant dans tout ton travail, Jean-Pierre Morin, de suivre ces réseaux-là, on peut penser à des rivières, à des routes, donc il y a vraiment quelque chose de très sinueux dans ces réseaux qui se forment à la surface des sculptures. C'est drôle que tu parles de rivières parce que moi, je fais une analogie avec... tu sais, quand les glaces partent sur une rivière, oui. Quand il y a les débarques, là, oui. Là, c'est sûr que ce ne sont pas des carrés ou des cubes, mais tous les blocs de glace qui sont brisés vont se placer les uns contre les autres. Ils vont suivre le courant, vont prendre une certaine direction, mais ils se suivent tout ensemble. C'est un peu l'effet qu'on constate dans les sculptures. Donc, on appelle ça les glaciels? les morceaux de glace qui flottent à la surface de l'eau. Oui, c'est un mot que j'adore. Et donc, on a des cubes qui sont assemblés pour former des formes coniques, des formes de couronne. Et dans le titre de chacune des œuvres qui sont présentées à la Galerie 3, on retrouve le nombre. Oui. Le nombre de cubes, le nombre de carrés qui composent l'œuvre. Oui, absolument. Et comment se décidait ce nombre-là pendant la réalisation des œuvres? Est-ce que c'est avant ou pendant la réalisation de l'œuvre que le nombre se décide? Je ne pensais pas au nombre avant de commencer les sculptures. C'est qu'à un moment donné, bon, moi, je me rendais compte, bon, ça suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour cette pièce-là. C'est-à-dire que j'arrivais avec... bon, le plus petit nombre, je pense, c'est 151. Le plus grand nombre, c'est 2533. Mais ce n'était pas prémédité. C'était, bon, à un moment donné, bon, j'arrête là. Oui, donc là, c'est l'intuition qui parle. Puis oui. C'est comme, OK, oui. L'œuvre est terminée. Exactement. C'est la forme qui me dictait, bon, ben ça suffit là. J'en ai assez. Et c'est un corpus qui est réalisé entièrement en aluminium. L'aluminium, c'est ton médium de prédilection, principalement acier et aluminium? En fait, les métaux en général, oui. Mais surtout l'aluminium. Mm-hmm. Puis pourquoi l'aluminium? Ben, c'est ce que j'allais demander. Ben, l'aluminium, d'abord, c'est un métal qui est propre à travailler. Mm-hmm. Aussi, même si c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à souder, mais... J'ai toujours l'impression de travailler avec la lumière quand je travaille avec l'aluminium. Parce que ça réfléchit tellement la lumière, ça capte la lumière, ça capte les couleurs ambiantes. Et c'est ce qui m'intéresse dans le fait de travailler avec l'aluminium. Et là, ici, dans ce corpus-là, cône et couronne, c'est des cubes, des carrés d'aluminium, et ils ne sont pas nécessairement polis. Non. Il y a quelque chose d'assez rugueux, d'assez mât aussi dans le rendu, là. Oui. En fait, j'ai même conservé les traces de la scie qui a coupé chacun des cubes ou des oui. carrés. Et il y a certaines pièces qui sont colorées. On a des couleurs, des teintes de rouge, de bleu... Noir. De noir, oui, c'est ça, c'est pas une couleur, c'est pour ça que je l'avais oublié. Ouais. c'est avec un processus d'anodisation. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Pierre Morin, en quoi consiste l'anodisation de l'aluminium? L'anodisation, c'est un procédé obtenu par électrolyse. C'est-à-dire que dans un bain, je ne sais pas trop quel est le produit, parce qu'on n'a pas tendance à nous faire rentrer dans les endroits où on fait l'anodisation. Non, on délègue pour ça. C'est qu'il y a comme une barrière, okay. Tu ne vas pas l'autre côté. Mm-hmm. Mais là, la dernière fois, je leur ai dit que j'aimerais bien traverser l'autre côté et voir comment ça se fait. Mm-hmm. Mais en fait, c'est dans un bassin avec un liquide et dans lequel il y a des pigments, et par électrolyse, on fait pénétrer le pigment dans la matière. Ça pénètre pas très profondément, mais non, assez pour être résistant. On n'a qu'à penser aux fenêtres et aux portes en couleur aluminium qui sont anodisées, parce que si elles n'étaient pas anodisées, il y aurait une détérioration, il y aurait une patine qui se formerait, un petit peu comme les lampadaires qu'on voit dans les rues, qui sont une espèce de gris très, très foncé et pas très beau, là. Oui, oui, oui. Mais alors que là, la couleur, le pigment fait corps avec la matière dans le processus d'anodisation. Oui, on me demande pourquoi ne pas avoir peint. Mais la peinture, c'est comme un voile qu'on met sur mm-hmm. l'objet. Mm-hmm. Et moi, je voulais éviter ça, parce que Et ça a été difficile pour moi de prendre la décision d'utiliser la couleur. Pourquoi? Je pense que par habitude? Oui, bien, c'est une tradition au Québec hein, de laisser le métal à nu, de ne pas mettre de couleur. Il y a quelques artistes depuis quelques années qui, eux, ils vont allègrement dans la couleur. Mm-hmm. Mais moi, ça a été long. J'ai fallu que je commence par le noir. Mm-hmm. Je fais une série de sculptures relativement petites. Donc, où elles étaient anodisées noires. Mm-hmm, mm-hmm. Et ben, y a le blanc aussi dans la série que tu avais présentée à La Poste à Montréal ou au 17... 1700 La Poste? Oui, 1700 La Poste. Oui, mais les blanches, elles étaient en fibre de verre. Ah, OK, OK. Donc là, là c'est une espèce de résine qui vient les recouvrir. Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est qu'il y a un moule qui a été fait sur une matrice et ensuite, j'ai fait couler en bronze... une des pièces. Et cette sculpture en bronze a été chromée. Mm-hmm. Et les 8 autres, parce qu'il y a 9 formes identiques dans la même pièce, les 8 autres ont été faits par moulage aussi, mais en fibre de verre. Mm-hmm, mm-hmm. En résine. En oui. résine époxy. Oui. Ouais. Carrément, donc en résine. Et donc, tu parles de cette... De cette pas crainte mais de pourquoi une espèce de gêne là. De gêne oui ouais. D'utiliser la couleur dans ton travail, est-ce que c'est un attachement à la forme, au formalisme, de refuser la couleur, c'est de t'as raison, je pense que ça vient un peu de là. Parce que bon, moi je pense aux formalistes américains, là, les minimalistes ouais. qui mettent un cube qui rouille, ouais. de vraiment y aller avec une espèce de contact direct avec la matière. Oui, absolument, ça vient de là. Ma formation en art visuel, c'était à l'époque, c'était dans les temps forts du minimalisme, mm-hmm. et puis je pense que ça m'a profondément marqué. Oui, je pense que oui. mais si on en revient à Jean-Pierre Morin, tu disais que tous ces cubes, tu les avais sciés et puis t'as laissé se finir ces rayures sur le cube. Oui. Et avec l'anodisation, ben là, on a accès à cette texture-là. Puis ça donne un certain dynamisme là, aux sculptures. Oui, ça crée une vibration parce mm-hmm. que il faut comprendre que tout est coupé avec une scie horizontale, oui. une scie à ruban horizontal, donc il y a un angle de coupe. C'est que je mettais par exemple 8 cubes ou 12 cubes, 12 tiges une par-dessus l'autre, et puis mais l'angle changeait à chaque fois que la lame descendait, mm-hmm. et ça créait des angles différents dans les stries qui sont sur le dessus et les dessous. J'aurais pu mettre les traces de la découpe sur les côtés, mais j'ai voulu les garder apparentes parce que je trouvais que ça ajoutait une information supplémentaire à la sculpture. Et un autre élément qui est très, très important dans ton travail, on parlait du travail de l'aluminium, mais un autre des éléments qui est très, très important dans toutes les sculptures que tu fais, c'est aussi le fait qu'on puisse voir au travers des sculptures. Puis c'est quelque chose qui est très présent aussi dans l'exposition que tu présentes, Cône et Couronne, à la Galerie 3. En quoi c'est important pour toi qu'on puisse voir au travers des objets? Ça fait plusieurs années que je travaille mm-hmm. de cette façon-là. Ben, pour moi, c'était... je me souviens au début, c'était dans le but d'attirer l'attention sur l'intérieur de la sculpture. Mm-hmm. En fait, ce sont comme des coquilles ou des exosquelettes, mais je voulais qu'on puisse voir à travers, voir la lumière qui est de l'autre côté, ou voir ou ressentir des percées. Pour moi, ça apporte... c'est un élément important dans la lecture qu'on peut faire de mon travail. Donc, le fait aussi, bon, avec l'art public, qu'on puisse voir l'environnement au travers de la sculpture, c'est quelque chose qui est important aussi? Oui, absolument. Ouais. Oui. Donc, ce dialogue entre l'œuvre et l'environnement dans lequel il se trouve. Oui. Oui, parce que tu as fait beaucoup de projets d'art public, dont des 1%, mais aussi des projets d'art public pour des entreprises privées, des particuliers aussi. Là. Oui, et surtout à Toronto, c'est mon sixième... Je vais installer une pièce bientôt. Et je pense que c'est mon sixième projet que j'installe à Toronto. OK. Et... sur ces 6 projets-là, il y en a 3, certainement, qui sont où on peut voir à travers les pièces. Mm-hmm. Oui. Et on parlait d'art public pour des particuliers. Dans l'exposition à la Galerie 3, il y a ce nouveau corpus-là, qu'on est couronne, mais il y a également trois œuvres bidimensionnelles qui ont été sélectionnées par la Galerie 3, dont une très, très grande photo rétroéclairée. Donc, c'est une photo de Pierre Blanchette d'une œuvre qui est sur son terrain, je crois. Oui. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de cette photo-là? En fait, Pierre et moi, nous sommes amis depuis 20 ans au moins. Et en 2007 ou 2008, je pense que c'est 2007, Pierre, on vient à Québec et on se rencontre et il me dit qu'il aimerait faire un échange avec moi. Mm-hmm. Un tableau pour une sculpture. Et tout de suite, moi, je me suis mis au travail. J'ai fait une pièce. On avait établi un certain montant, c'est-à-dire quant à la valeur de l'œuvre, et pour le tableau, et pour ma pièce. Et puis, Pierre a fait un très grand tableau de 11 pieds par 5 pieds en deux parties, qui est installé chez moi. Et moi, je lui ai fait la sculpture. Et il est reparti chez lui avec la sculpture dans son auto, qui dépassait derrière la voiture. Mais oui, j'imagine. Et puis, il l'a installé sur son terrain à Aberscombe. Et ce qui est particulier, moi j'adore cette photo-là. C'est une photo d'une de mes sculptures, mais c'est surtout une photo de Pierre Blanchette. Oui. Et on sent tout le côté artistique de Pierre dans cette photo-là. Mais ce qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est que à l'âge de 15-16 ans, j'étais allé travailler à la cueillette du tabac en Ontario et j'étais parti de Montréal en train pour aller en Ontario. Puis, très souvent, à l'entrée des villes, on voyait des châteaux d'eau. Oui. Ils étaient souvent blancs. Et c'est une forme qui peut avoir l'air d'une ampoule ou d'un gros machin en plein milieu d'un champ. Et souvent, ils étaient blancs. Et j'étais fasciné, surtout frappé par... on dirait que ces châteaux, les châteaux d'eau n'ont plus d'échelle. C'est très difficile de dire, c'est tellement immense, tellement oui, gros. Oui, ça surplombe la ville. À Québec, je ne sais pas si c'en est un, mais il y en a un près de la gare de Sainte-Foy. Oui, oui. Ça, donc c'est un simple silo, oui. mais bon, dans certaines villes au Canada anglais ou aux États-Unis, on a vraiment seulement qu'une structure avec une grosse boule en haut. Oui, là. C'est ça. Donc exactement. On voit quand même un cousinage avec tes œuvres. Oui. Et ben moi, ça me fait penser à Ernst et Hilla Becher. Oui. Oui, qui les ont photographiés à répétition. Absolument. Et qui en ont fait une collection. Oui. Là. Oui. Et ce qui est particulier, c'est que le titre de la sculpture, c'est Réservoir 2, parce qu'il y en a eu une autre auparavant. La sculpture est en acier corten. Et elle n'est pas très grande, cette sculpture-là. Mais avec la prise de vue et l'endroit où elle a été photographiée, on a l'impression que c'est comme aussi gros qu'un château d'eau. Oui, parce qu'il y a les collines, les petits vallons, les petites collines qui viennent cacher un peu la forêt derrière. Puis on a seulement une partie de la cime des arbres qui apparaît. Donc, on a l'impression que l'œuvre est beaucoup plus grande qu'elle n'y paraît. Là. Oui, absolument. Et la lumière est magnifique. L'ambiance également brumeuse. Là, une très, très belle photographie qui a été choisie donc, par la Galerie 3 pour faire partie de l'exposition. Et il y a deux dessins également. Oui, ils ont placé deux dessins sur les murs tout près de la photo. Oui. Donc c'est des dessins qui font partie d'un corpus plus antérieur là. 2017. Ok, donc c'est quand même assez récent. Oui. Mais il y a quand même un dialogue qui s'inscrit avec les œuvres tridimensionnelles de cône et couronne. Je parle tout le temps pour dire couronne et cône, de cône et couronne. Et pour en revenir aux œuvres 3D, c'est l'heure de la pause. Oui, mais excusez, on va partir. Mais merci beaucoup, Jean-Pierre Morin. C'était tellement agréable de te recevoir que j'ai pas vu le temps passer. On va partir pour une pause publicitaire. Et au retour, on s'entretient avec Étienne Gabriel Rousseau. 89.1. Hey, t'es...

Puis en fait, cette toile-là, je l'ai créée au roulement à billes dans le cadre de ma maîtrise. Puis on était censé la mettre au mur, mais finalement, il y avait deux toiles qui avaient aussi des tonalités de vert, de vert en fait. Puis on trouvait que les mettre en triptyque, en trio, ça fonctionnait bien. Puis la poser au sol, ça faisait quelque chose de comme nouveau en fait, quelque chose qui est pas nécessairement, qui est inusité, tu sais, qu'on s'attend pas. Donc en la posant au sol, ça nous donnait une espèce de nouvelle façon d'aborder l'œuvre, ou en tout cas de la regarder, de la percevoir. Puis les deux toiles qui sont au mur, en fait, on trouvait que, comme je disais, les tonalités fonctionnaient, mais aussi comme la façon que c'était fait au niveau de la salle. Donc en oui, fait, c'est le petit raccoin. Oui, là. C'est ça, c'est le raccoin que souvent on ne sait pas trop comment prêter nos œuvres à ce niveau-là, mais en fait, on a posé comme les deux toiles qui sont censées être en diptyque. Au mur, face à face. Puis après ça, on a mis la toile au sol et puis... C'est passé quelque chose. Effectivement, ça s'est vraiment produit. Puis c'est ça. C'est là que ça s'est produit. Et la peinture abstraite, très colorée, comme je disais. Et tu travailles par tache de couleur, par superposition, par juxtaposition de couleurs. Et là, je peux pas m'empêcher parce que cette toile au sol peut également référer à une espèce de vue qu'on pourrait avoir de vol d'oiseaux d'un territoire. Tes toiles peuvent faire penser à des territoires, mais on passe de l'infiniment petit à l'infiniment mm-hmm. grand. On peut penser à la biologie aussi. Est-ce que c'est le genre de motif qui t'inspire en fait, dans ton travail? C'est ça. En fait, j'ai déjà travaillé sur la photographie du corps. Mm-hmm. Après ça, ça a été plus au niveau du paysage. Donc, il y a comme ce lien-là encore qui est sous-entendu, mais qui n'est pas nécessairement vu à prime abord. Non, parce que c'est de la peinture abstraite. C'est ça. Puis mm-hmm. en fait, ça a tellement évolué au cours des dernières années que c'est ça, c'est justement plus les couleurs puis les formes en fait qui priment, mais il y a toujours ce sous-entendu-là. Donc en fait, oui, quand on rentre, on a le trio, mais par la suite, quand on bouge vers la droite, on a souvent des peintures qui sont plus au niveau cellulaire, donc des formes ovoïdes. Ouais. Fait que oui, ça peut rappeler avec des modelés qui viennent rappeler les volumes. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut penser à des espèces de cellules embryonnaires ou quelque chose qui rappelle le corps, justement. Et est-ce que tu peux nous parler, Étienne-Gabriel Rousseau, de comment comment tu choisis tes couleurs? Parce que dans le communiqué, on sent que ton processus de création est très intuitif, très mm-hmm. émotionnel. Oui. Je pense que les couleurs sont primordiales dans ton travail. Oui, parle-nous un peu de ta méthodologie. Oui. Ben en fait, quand je conçois une toile, il n'y a pas de plans qui sont comme préétablis. C'est vraiment sur le moment, en fait, ça va. Il n'y a pas d'étapes. En fait, oui, il y a plein d'étapes, mais je veux dire, il n'y a pas une composition de départ, si on peut dire. Mm-hmm. Les couleurs se font au fur et à mesure, je les mets de manière comme un peu pas aléatoire, mais ils sont en fait reliés à mon affect. Donc, c'est un peu ce qui se conçoit sur le moment. Donc, ça va être interprété par rapport à des sons, avec la température, l'ambiance, tout ce qui est autour de moi, en fait, qui va se refléter. Donc, mes états émotionnels ont vraiment une importance. Puis souvent, ça pige. J'ai l'impression que ça déteint, en fait, sur la toile, donc à ce niveau-là. Surtout le rose, l'orange, le rose, ces couleurs vives là, qui souvent, on ne sait pas trop le rose, tu sais, on ne sait pas si on classe dans une couleur qui est plus chaude ou de manière fait morose un peu, on sait pas trop, on est embêté. Mm-hmm. Donc c'est ça, c'est plus au niveau de l'affect. Puis en fait, la composition se fait au fil du temps. Donc c'est des couches, c'est vraiment une accumulation de couches de peinture qui vient justement à créer des fois avec de la transparence, des textures. Fait que c'est comme ça que je consomme mes toiles. Puis tu travailles à l'acrylique, donc ça, oui, ça te permet exactement, de justement... ça sèche rapidement, puis ça me permet justement d'appliquer ces couches-là, tu sais, de repasser, de foncer une couleur ou de gratter une couleur, etc. Donc. Donc dans ce jeu de superposition-là, à quel moment tu décides, bon, OK, cette toile-là est terminée? Souvent, j'ai de la peinture sur mon pinceau, mm-hmm. puis si... Tu sais, j'ai tendance à vouloir l'utiliser au complet. Si mm-hmm. j'ai pris cette couleur-là, mm-hmm. c'est qu'il faut que je l'utilise, il faut que je l'applique. Puis, à un moment donné, simplement, j'allais sur mon pinceau, puis j'essaie de trouver un emplacement. puis il n'y en a plus. Donc, c'est à ce niveau-là que je la regarde, puis je me dis, OK, elle est finie. Elle est remplie. Elle est remplie, elle est saturée, elle est comblée, tu sais, c'est ça. Donc, il y a une, parce qu'il y a quelque chose de très plein dans ton travail. C'est des all-over, en bon chinois. quand on parle de all-over, c'est quand on a l'impression que le motif pourrait continuer hors de la toile. Oui. La toile que tu présentes au sol, elle est non montée. Oui. Ouais, pourquoi? Quand je l'avais créée au mur, puis je l'avais seulement mis avec des clous au mur. Donc, elle n'était pas montée. Puis, en fait, je la voyais pas monter. Étant donné que je l'avais conçue comme ça, c'est comme si je la dénature, mais en même temps, je trouvais qu'elle avait un impact en n'étant pas montée. On sentait vraiment qu'elle tombe, tu sais. Puis il y avait un effet de contemplation. Si elle avait été montée, ça aurait été comme une toile. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais je trouvais qu'elle avait un aspect qui était fort comme ça, tu sais. Puis en fait, justement, si elle n'est pas montée, on peut la positionner de manière un peu aléatoire au sol, justement, parce que sinon, ça leur a fait un relief. Ouais. Là, elle fait bien, elle a l'air d'être étendue, tu sais, elle repose bien. Puis sur le mur aussi, elle aurait bien tenu aussi, c'est simplement que là, avec les contraintes, on avait de la difficulté, mais on a décidé de faire ça avec le triptyque, là. Et Étienne-Gabriel Rousseau, pendant l'entrevue, tu me disais, bon, mon travail a beaucoup évolué, tu m'as parlé des différentes pistes que tu as explorées dans ta pratique. J'ai l'impression que ça fait longtemps que tu... parce que tu es tout jeune, on s'entend, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu peins. Ça fait combien de temps que tu peins? Ça fait peut-être 8 ans, peut-être un petit peu plus là, que je fais de la peinture maintenant. Ouais, j'avais commencé avec de la photographie, mais tu sais, j'ai toujours resté dans l'image. L'image a toujours été importante pour moi. Puis ça a été la photographie, puis après ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pris une tournure, puis c'est le médium de l'acrylique, c'est la peinture qui a pris le dessus. Puis en fait, je me ressens bien là-dedans. Tu sais, la photo, je pense qu'il y avait quelque chose qui me... J'avais le sentiment peut-être pas d'être autant accompli, tu sais, dans le sens qu'on prend la photo, on a le cliché, on le poste, on peut jouer avec les contrastes et tout, mais c'est pas pareil comme si on l'a vraiment au niveau matériel dans nos mains, tu sais, comme la peinture qu'on étale. Donc oui, ça fait quand même un petit bout que je fais ça, puis c'est ça, ça tend à quelque chose, donc je sens là, que ça s'en vient, là, tu sais, qu'il y a quelque chose de concret. Oui, tu es assez prolifique, tu as eu beaucoup d'expositions dernièrement. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes prochaines expositions? Oui, en fait, là, on a un collectif qui s'en vient pour les Journées de la culture avec notre éthologue de maîtrise. Ça va être au roulement à billes, donc dans la salle là, d'exposition. Puis c'est ça, donc je présente une toile, une 36-48, puis trois petits formats 4 par 4 pouces. Donc j'essaie de jouer avec justement les niveaux de format. Les contrastes d'échelle. C'est ça. Donc, tu sais, des fois, ça m'apporte quelque chose de plus difficile parce que quand on est habitué de travailler sur des gros formats, puis quand on change à un petit format, des fois, c'est d'autres défis où on est moins habile ou parce que là, la composition n'est pas pareille. Sur un gros format, on peut vraiment s'étaler puis placer mes formes, exemple, mes cercles, mes formes ovoïdes, c'est beaucoup plus facile que quand on est sur une petite toile. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a l'exposition Orangé Bleuté qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. C'est au local 2470, je le rappelle, et c'est jusqu'au 12 octobre. Je te remercie beaucoup, Étienne-Gabriel Rousseau, pour cet entretien. Merci à vous. Et nous, on va prendre une petite pause audio et au retour, on s'entretient avec Julie Bouffard. Le vent nous pas ce train seront le détour. Bonsoir, Julie Bouffard. Bonsoir, Jean-Tiane. Alors, vous êtes encore à l'aérospatiale et on parle d'art visuel avec Julie. Julie Bouffard qui présente l'exposition Plongée sans faire de vagues à Espace Parenthèse, la très excellente galerie du Cégep de Sainte-Foy. Et Plongée sans faire de vagues, c'est une exploration des surfaces de l'eau. Dans le monde cinématographique, vidéographique. On peut rassembler ça sous médiatique. Puisque c'est des images tirées de films, de séries, pas mal ça. c'est entièrement des captures d'écran. Et donc on parle de manifestation médiatique de l'eau pour bien le nommer, c'est ce que j'ai sous les yeux ici. Et dans cette accumulation des différentes manifestations médiatiques de l'eau, il y a beaucoup de questions qui finissent par se poser parce que tu les extrais de leur contexte. Oui, en effet. donc un contexte, là, si on parle d'un contexte cinéma ou un contexte de série télévisée, il y a un avant, il y a un après, il y a un ensemble. Alors que là, elle est toute seule, cette image-là, arrêtée. Parfois, il y a un sous-titre Quelles sont les différentes questions qui viennent émerger, les interrogations qui viennent émerger de ces images-là dans ton travail, Julie Bouffard? Je dirais que c'est surtout un questionnement au niveau narratif, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse justement au fil narratif cinématographique ou juste un fil narratif assez linéaire, d'essayer d'aller déconstruire ça justement en extrayant certaines images, en faisant des arrêts, des pauses. Puis il y a quelque chose dans ces images-là qui sont très fortes parce qu'il y a aussi la symbolique quand on voit un lot passer dans un écran, souvent c'est très rapide aussi. Des fois, ça mène d'une scène à l'autre. Ça, c'est oui, t'as un petit plan de transition là, qui sert absolument rien. Habituellement, tu sais, ouais. Où le personnage se plonge dans ses pensées. Il y a quelque chose de très introspectif là-dedans. Puis justement, c'est ça, comme tu dis, certaines images, il y a des sous-titres. Puis il y a quelque chose dans ces sous-titres-là qui sont quand même arrêtés. Décontextualisés complètement, qui deviennent un peu intrigantes, mais des fois aussi, ça pose des questions. Bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça se passe pas sur l'eau, souvent, ces sous-titres-là. C'est quelque ça. Chose qui se passe sur en la contexte, rive, dans la tête de quelqu'un. Exactement. Je trouve que c'est très... Il y a un pouvoir narratif assez fort là, dans ces images-là, donc, que j'aime bien. Le pouvoir narratif, en fait, c'est nous, en tant que visiteurs, qu'on s'approprie l'exposition, on exactement. S'approprie ces images-là, parce qu'on ne sait pas d'où elles sortent. Il n'y a aucun... Et on imagine le contexte. Et la mise en exposition de tes photographies dans l'exposition « Plongée sans faire de vagues », Julie Bouffard, est quand même assez éclatée, assez particulière. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu en es arrivé à utiliser les fenêtres, à utiliser le sol, à faire ces socles sur lesquels tu présentes les images? Bon, moi, quand je fais des expositions, je m'amuse. Je m'amuse vraiment. Souvent, quand on fait de la photo, des images, ça reste quand même assez statique quand oui, on parle de photos. On pense à la série de cadres. Une série de cadres au mur. Oui. Moi, j'aime ça... J'ai un souci de l'espace quand même assez important, puis j'aime ça prendre l'espace, mm-hmm. puis que les images habitent vraiment un lieu en particulier, puis faire des mises en espace qui s'adaptent à chacun des lieux aussi. Puis l'espace parenthèse, c'est quand même particulier aussi comme lieu, c'est un espace un peu en L, il y a des fenêtres. C'est le hall d'entrée de la bibliothèque. C'est le hall d'entrée de la bibliothèque, c'est très passant. Oui, donc, c'est vitré, le hall, la bibliothèque, les parois qui mènent à la bibliothèque oui, sont exactement. Vitrées, donc il y avait vraiment un terrain de jeu pour toi, là. Exactement. J'adorais ça, moi, les vitres, j'adore. Il y a quelque chose aussi que ça permet de suspendre l'image un peu, là, comme si elle flottait, mm-hmm. là, comme un écran d'ordinateur, dans le fond, quasiment, oui. là, qui est juste tout, comme ça. Puis il y a quelque chose aussi, il y a un dialogue qui se crée entre les images et le contexte. Donc là, il y a des images d'eau. Qui s'insère dans des rayons de livres, qui s'insère dans des étudiants qui dînent à la cafétéria. Donc c'est il y a quelque chose qui fait que ça c'est pas seulement que l'imagination qui est sollicitée dans ce travail là, c'est aussi le l'espace réel là. Exactement, oui. Ben c'est en déambulant dans l'espace aussi ça permet, je veux dire, c'est pas moi qui décide, c'est qu'il n'y a pas de suite en tant que telle mm-hmm. aux images, mais en mettant des plus grosses, en plaçant, en disposant, nécessairement, ça va faire déplacer les gens dans l'espace, puis les gens vont pouvoir créer justement leur narratif dans l'espace aussi, parce que c'est ça, ils voient les gens dîner ou peu importe, là, il y a quelque chose qui se passe qui active les images aussi, là, en les mettant comme ça dans l'image. Mais il y a aussi un dialogue qui se crée entre les images par la superposition, parce qu'avec ces jeux de transparence, il y a des images qui viennent se superposer les unes aux autres, se juxtaposer dans ces espaces successifs. Comment t'as travaillé ce... parce que c'est complexe quand même à travailler un espace tridimensionnel de cette manière-là. SketchUp. J'adore SketchUp. Oui. Ben, donc, c'est un logiciel qui permet de faire des modélisations 3D de l'espace. Exactement. ça aide vraiment beaucoup à ben, je veux dire, je suis déjà allée souvent dans l'espace, tout ça. J'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire et tout, mais un SketchUp, ça permet vraiment de tout placer ça, puis de voir les points de vue intéressants qu'il peut y avoir, mm-hmm. dépendant le placement des images, tout ça. Bien utile. Donc, c'est pour ça qu'Isabelle Trépanier, la commissaire d'Espace Parenthèse, me disait quand je suis allée visiter que t'es étonnée parce que t'es arrivée puis tu savais exactement où allait toute chacune de tes œuvres. Oui, exact. Ben, j'en ai déplacé quelques-uns, mais habituellement, j'y pense longtemps, mais quand je l'ai... quand ça déboule. C'est quand ça déboule, tout est planifié d'avance. Oui, exact. Et est-ce que tu peux nous parler de ces socles avec, oui. avec des petites surfaces vitrées, des photographies oui. qui sont collées à même ces surfaces vitrées? Donc là, tu ne colles pas tes images dans les fenêtres du lieu, mais tu t'apportes tes propres vitres. Oui, exactement. Mais j'avais le goût depuis longtemps de faire un objet un peu plus... pérenne, qui va juste oui. plus rester dans l'espace, parce que souvent, qu'est-ce qui est plate en faisant des installations comme ça? C'est pour un espace, donc ça se réutilise pas, donc j'avais le goût de faire quelque chose de plus objet, plus déplaçable facilement. Puis ça, justement, ça, j'étais allée jouer un peu dans l'espace, puis c'est fun, parce que en les superposant, la vitre, en plus, en les mettant avec... ils répondent à d'autres images qui sont dans le reste de l'exposition, fait que ça crée des propres... spécificité architecturale. Mais oui, ils sont petites. Ce serait fun d'en faire encore plus grosses, peut-être. Un jour, peut-être. Peut-être. Comme celle que tu as installée au sol, donc oui. un vinyle autocollant. Oui. Là, on réfère directement à la surface de l'eau. Là. Exactement. C'est super fun. On met ses pieds proches, puis on a quasiment l'impression d'être dans l'eau. Il y a quelque chose de... Ça faisait longtemps que je voulais... m'approprier le sol aussi, puis ça, l'eau, ça se prête bien. Oui. ça crée une espèce de trou dans cet espace-là mm-hmm. qui est souvent vide, entre deux colonnes. C'est une espèce d'espace mort que je pense qui a été fun à exploiter, là, vraiment. Bien, merci beaucoup, Julie Bouffard, d'être venue nous parler de ton exposition « Plonger sans faire de vagues ». C'est présenté à Espace Parenthèse jusqu'au 11 octobre. Bien, merci. Et Espace Parenthèse, c'est au cégep de Sainte-Foy et l'espace d'exposition est ouvert le jour et le soir sur semaine. Donc, je le précise là, parce que ça c'est un peu différent des lieux d'exposition traditionnels. Et nous, on va écouter un extrait de la pièce « Se fuir » et au retour, c'est l'agenda de la semaine. Alors, c'est le moment de l'agenda de la semaine à l'aérospatiale. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine? Aujourd'hui, débutait une exposition à la maison Amel Bruneau qui regroupe les travaux de Guillaume Lachapelle, Pierre Laroche, Nicolas Krumbach et Laurent Lamarche. C'est sous le commissariat de Claude de Corriveau. Bien hâte de voir ça. Sinon, ce soir, c'est la première de la saison des Mercredis Wiki au Musée national des beaux-arts du Québec, donc à partir de 19h30. Patrimoine vivant et folklore, donc c'est le thème de cette semaine. Et notre chroniqueuse Claire Dumoulin va être là, non à titre de chroniqueuse, mais pour son travail au Conseil québécois du patrimoine vivant. Plusieurs vernissages vendredi. D'abord du côté de la Galleria avec leur nouvelle recrue Eve Cadieux qui présente l'exposition Empreintes et dérives. Il va y avoir également au Roulement à billes l'exposition Off. JC, dans le sens de Journée de la culture. Donc, c'est une exposition collective. On en parlait justement il y a quelques instants avec notre invité Gabrielle-Étienne Rousseau. C'est une exposition qui va avoir lieu toute la fin de semaine, mais le vernissage, c'est vendredi. Il y a également un vernissage à Critérium avec poèmes de Jean-Philippe Harvey. Et évidemment, de nombreuses activités en lien avec les arts visuels en fin de semaine dans le cadre des Journées de la culture. Je vous invite à consulter le www.journeesdelaculture.qc.ca pour en savoir plus parce que j'ai pas le temps d'en parler ici. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'activités. Et dimanche, c'est la table ronde du cabinet des censurés. C'est à l'aise au 340 de la rue Saint-Roch, local 201. Donc, il y a des invités spéciaux qui vont se joindre aux artistes Audrey Lorrain, qui a un doctorat en histoire de l'art et concentration en études féministes à l'UQAM, Pascal Bédard, qui est professeur en sociologie de la culture à l'Université Laval, et Anne-Marie Bouchard, qui est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art et qui est conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec. Mercredi prochain, il va y avoir une conférence midi avec l'artiste Marie-Claude Drolet, qui est également chroniqueuse ici à l'émission. Donc, elle est en résidence actuellement à la Maison des métiers d'art de Québec. Donc, mercredi prochain à midi, elle va faire une conférence. Et mercredi prochain à 18h, il va y avoir une soirée de performance qui est présentée au lieu par Art Nomade et Viva Art Action. Donc, si vous voulez voir de la performance, c'est au lieu que ça se passe. Et c'est la dernière semaine pour voir l'exposition de Ludovic Bonnet au lieu également. Et c'est maintenant le temps de parler avec Pierre Blais. CKRL. Communication. Culture. Rambo, Pierre? Ça a l'air que c'est le dernier, mais il faut en parler, évidemment, parce que, premièrement, il est censé ne plus en avoir, donc soulignons la fin de la série des films Rambo. C'est quand même le cinquième. Je sais pas si ça a marqué ton adolescence ou t'allais peut-être non, pas tant. Films de sous-sol. Là. Oui, non, on n'avait pas de sous-sol chez nous, j'imagine. Mais oui, donc ça s'essouffle. Je l'ai pas vu, okay. Mais mes chroniqueurs l'ont vu. Ils vont venir m'en parler. Okay. Et ça promet. Il y a beaucoup de morts. C'est un film qui a comme qualité, je pense, d'être court. 1h25. OK. Dans une minute. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Les trafiquants d'art à Limoilou sont les spécialistes de l'encadrement sur mesure, la numérisation d'œuvres de toutes dimensions et l'impression haut de gamme sur toile, papier photo, papier d'art, bois et plus encore. Que ce soit pour l'encadrement d'un diplôme, l'agrandissement d'une photo de voyage, la mise en valeur d'une œuvre qui vous est chère ou encore pour vos projets d'exposition clés en main, les trafiquants d'art offrent un service personnalisé d'une qualité incomparable. Les trafiquants d'art, 975 A, 3e Avenue, Limoilou. Traficandart.com. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter.